L'avant-veille de ce grand jour, car la nuit qui le précède directement est réservée à la veillée des armes, on m'avait envoyé coucher de bonne heure. Je venais de finir ma toilette en prévision de la fête et j'avais éteint notre petite lampe, lorsqu'au même instant où je me trouvais dans les ténèbres j'entendis au pied de notre lit comme une série de pétards qui se succédaient. On eût dit qu'un brasier était allumé et pétillait avec fracas. Dominant ma première frayeur j'osais regarder, car je croyais la cellule tout en feu, mais je ne vis rien. Pensant alors que c'était le démon, je priais avec ferveur, sans pouvoir sortir ma main du lit pour prendre de l'eau bénite, car il m'était impossible de faire aucun mouvement, j'étais comme comprimé sous une pesanteur extraordinaire. Il me semblait que quelqu'un était couché sur moi. Ce dernier état dura toute la nuit. Le lendemain matin, je m'empressai de courir chez notre mère pour tout lui raconter. Alors elle pleura de consolation en pensant que sa petite fille devait beaucoup déplaire au démon puisqu'il n'avait pu s'empêcher d'exhiber sa rage. Pour moi, cet incident ne m'étonna pas, car le malin esprit devait être furieux de voir qu'une proie qu'il avait particulièrement convoitée lui échappait. Il avait fait des siennes pendant de longues années pour me faire tomber, il m'avait piétiné par les tentations les plus honteuses, j'avais été le jouet de ses soufflets. Rien de surprenant qu'il ait fait éclater sa colère en une circonstance où il allait être vaincu pour toujours. Ce ne fut cependant pas la seule fois qu'il me donna des marques sensibles de sa présence autour de moi, il y rôde comme un lion rugissant qui cherche à me dévorer. J'en donnerai des exemples qui se rencontreront en leur temps. Je dis seulement ici à ma plus grande confusion que j'ai eu pour ainsi dire des rapports avec l'autre monde, ayant quelquefois entendu des avertissements qui, vous le savez, ma mère, se sont tout réalisés. Il n'y eut guère de circonstances assez marquantes dont je ne fus prévenu. Une fois ce fut un chuchotement autour de mon lit, comme si plusieurs personnes avaient étourdi un complot contre nous et deux jours après vous appreniez, comme par miracle, qu'on avait inventé des machinations pour me faire tomber dans un piège et avoir par là l'occasion de nous faire partir. Lorsque j'arrêtai le plan de mon petit travail sur la Sainte Face, il m'arriva que, m'étant réveillé au milieu de la nuit, j'agitais mes couvertures pour me recouvrir. Alors ce fut comme si quelque chose de vivant, en sentinelle dans le creux du lit, s'enfuyait entraînant après soi toute une quantité de ferraille. Je n'en finirai pas si je voulais tout raconter. J'entendis aussi quelquefois les âmes du purgatoire dans l'une de ces circonstances, ce fut comme si on déployait dans notre cellule une pièce de calicot. Le bruit partit du plafond et s'enfonça dans le plancher. Vous habitiez ma mère, l'infirmerie d'en bas, sans savoir ce qui m'était arrivé, vous avez senti toute la nuit la présence d'un être mystérieux qui était entré par l'endroit que j'indiquais. Une autre fois, commettant une infidélité après matine, puisque je m'arrêtais à lire quelques lignes d'une lettre d'affaires, j'entendis dans l'appartement un bruit étrange semblable à celui que l'on fait avec la langue pour avertir les enfants de se tenir tranquilles. Au premier avertissement je tournai la tête du côté du bruit qui était dans l'air tout près de moi, et, n'en devinant pas la provenance, je me remis à lire. Alors second avertissement, je m'arrêtai de nouveau sous une certaine impression surnaturelle, mais sans comprendre encore et repris ma lecture. Quand un troisième avertissement me donna à entendre que je faisais mal, je posai alors la lettre et n'osais plus la reprendre. C'était une missive concernant les affaires de la Sainte Face qui me préoccupait alors beaucoup. Le bon Dieu ne voulait pas sans doute que, dans cette entreprise toute à sa gloire, je laisse ternir mon âme par la plus légère imperfection. Je remerciais Jésus de m'avoir fait ainsi avertir et je ne fus plus reprise à cette infidélité. Lorsqu'il m'arrive d'entendre quelques bruits surnaturels, toujours je prie, soit pour les agonisants, soit pour les âmes du purgatoire, mais quand c'est le démon, j'ai grand peur et je supplie Jésus de venir à mon secours. Ce n'est pas seulement la nuit que le malin me joue des tours. Un soir à matine, c'était l'office d'une déférise en l'honneur de la Passion. Je ne sommeillais pas et me livrais tout entière à la faveur et à la joie de suivre la psalmodie lorsque j'eus tout à coup l'impression de quelqu'un qui passait rapidement devant moi. Au même instant je reçus dans les yeux comme une poignée de sable qui me fit beaucoup souffrir des yeux. Étant obligé de les fermer, je m'endormis presque aussitôt. Pour dire ma pensée, je crois que ma disposition au sommeil pendant les heures de prière n'est pas tout à fait étrangère à la malice du démon qui veut me taquiner, car il n'est pas sans savoir que cela me fait beaucoup de peine. Ce qui me donne à supposer cela, c'est que je ne dors pas quand je devrais dormir. Ainsi, bien que je sois dans l'obscurité, aussitôt que je suis au lit, j'ai une peine extrême à reposer et quand je suis devant le Saint-Sacrement, je ne puis pas combattre le sommeil. Pauvre Jésus, moi qui l'aime tant, moi qui ne rêve que regarder l'hostie, dire qu'aussitôt que je le contemple, c'est comme si j'avais pris un soporifique. Avec cela que, pour augmenter cette tribulation, lorsqu'on consulte les directeurs à ce sujet, ils vous font toujours grise mine et l'on s'en va de l'entretien pas plus avancé qu'avant, quelquefois même plus découragé. Sans doute qu'attribuant cet état à une tiédeur spirituelle, ils veulent nous en faire sortir par la crainte, mais cela ne réussit pas, pour moi du moins. Ô mon Jésus, vous le savez-vous, que ma vie à votre service n'est pas nonchalante et incolore, mais vivante et chaude, aussi vous ne m'en voulez pas, j'en suis sûr de cette faiblesse ou tentation. J'ai lu à ce sujet quelque chose de bien consolant. Quelques anciens solitaires dirent un jour à Saint Paiement, « Mon Père, quand nous voyons des frères sommeiller au temps de la prière, ne devons-nous pas les secouer pour les tenir éveillés ?» Et il leur répondit, « Quand je vois un frère ainsi accablé de sommeil, je voudrais faire pencher sa tête sur mes genoux pour l'y faire reposer. Mais me voilà encore loin de mon sujet. J'en étais au jour béni de ma profession. Ô ma mère, que je fus heureuse ce jour-là. Ce fut avec ma première communion le plus beau de ma vie. Il me semblait que le ciel tout entier se réjouissait avec moi, car pas un nuage n'osa se montrer dans le firmament et la paix intérieure et la joie que j'éprouvais me disait bien haut que la grâce divine m'environnait. J'eus le bonheur de prononcer mes saints vœux entre les mains de ma petite mère, ma Pauline chérie, qui m'avait élevée et avait semé dans mon cœur les fruits qu'elle récoltait en ce jour. Je voyais dans les rangs des religieuses Marie, notre chère aînée et ma Thérèse qui semblait triompher. Je sentais que des impressions bien profondes passaient en son âme, elle n'était plus de la terre. Quant à moi, je n'en étais pas non plus. Au moment de prononcer les vœux qui me liaient à Jésus, j'étais tellement pénétré du mystère, que ce fut avec beaucoup de peine que j'en achevai la formule. L'émotion me pressait, des larmes bien douces m'inondaient. Assez qu'il me semblait, comme je l'ai dit, qu'avec mes sœurs de la terre le ciel était là tout entier qui m'écoutait. Je voyais des yeux de l'âme la Trinité Sainte, mon Jésus mon époux adoré, Marie, ma mère, mon père Saint Joseph, papa, maman, mes petits frères et sœurs du paradis qui assistaient plein de joie à l'immolation de la pauvre petite Céline, la dernière conviée aux noces divines. C'était la clôture des appels du bon Dieu à notre famille, aussi cette fête fut-elle particulièrement touchante. Avec quel bonheur je restais seul après la cérémonie, j'avais besoin de m'entretenir avec mon bien-aimé dans le silence du cœur à cœur. Cette journée fut véritablement sans nuages. Elle était pour moi une récompense et une aurore. C'était au milieu d'une ineffable paix que se terminait un passé plein de deuil. C'était dans l'énergie d'un débordant espoir que s'ouvrait l'aurore. Ma petite mère m'avait dit dans l'allocution qu'elle m'adressa au solennel instant, « Maintenant, si je vous demande ce que vous attendez pour prix de votre donation entière à Jésus, vous me répondrez certainement, « Je veux des âmes. » Eh bien, sur cette montagne du Carmel où vous fixerez désormais votre tente, l'époux vous appelle. » Il vous montre comme à 16 apôtres la moisson blanchie et abondante. Il se plaint à vous du petit nombre d'ouvriers qui se présentent pour la recueillir. Il murmure à l'oreille de votre âme comme à la vaillante Jeanne d'Arc ses douces paroles, « Va, fille de Dieu va, ne crains pas l'ardeur du combat, sois ma petite moissonneuse. Verse tes larmes, tes sacrifices et tes prières dans les sillons que tu vois là-bas. Ainsi d'une main tu jetteras la semence, et de l'autre cueillant les épis mûrs, ta génération deviendra plus nombreuse que les étoiles du ciel et le sable qui est sur le rivage de la mer. Voilà le but de ta vie, c'est pour cette mission que je t'ai créé. Si tu pleures maintenant en répandant ta semence au milieu du combat pénible de la vie, tu reviendras bientôt vers moi portant le fruit de ta victoire, c'est-à-dire des gerbes d'or entre tes mains. Oh comme ce langage tout apostolique trouva écho dans mon cœur. Je ne voulais que cela, des âmes, des âmes. L'enfantement douloureux ne me faisait pas peur, je ne craignais pas les moyens, le but seul m'attirait. Comme une mère qui s'oublie elle-même, qui reste dans une position vile, se nourrit et s'habille pauvrement n'ayant qu'une ambition, acheter le bonheur pour ses enfants, je voulais, renonçant à l'aisance spirituelle pour moi, ne plus songer qu'à la procurer à mes fils par mes économies et privations de toutes sortes. Oh comme je m'engageais hardiment dans les combats de la vie sans regarder en arrière. Dès le lendemain, il fallut en effet les reprendre avec tout leur cortège si peu engageant. Vous savez, ma mère, les épreuves qui avaient précédé ce jour si beau et ma réception au chapitre d'où l'on avait écarté la mère prieur, réception peu brillante hélas, mais quel accueil peut-on faire à un tison, si ce n'est de le prendre avec des pincettes pour le jeter avec mépris. Mes petites sœurs et moi avons beaucoup souffert et, sans l'intervention directe du supérieur, jamais on ne m'aurait laissé prononcer mes vœux sous le priorat de Mère Agnès de Jésus. C'était cependant plus naturel de favoriser cet acte que de le combattre. Mais il entrait dans les vouloirs divins de permettre qu'en cette occasion comme dans bien d'autres, les créatures fussent à notre endroit les instruments de notre passion. Dire cela c'est les excuser devant Dieu puisque dans nos fêtes liturgiques on honore la croix, les clous qui ont fait mourir Jésus. Les jours qui suivirent furent les derniers roulements du tonnerre, digne écho des précédents. Puis tout se remit dans l'ordre, à condition toutefois que ma compagne de noviciat fût retardée et attendit pour prononcer ses vœux le priorat suivant. Je m'arrête, ma mère, je craindrais même d'avoir manqué de charité si vous ne saviez tout. 16 épreuves sont en effet trop exceptionnel pour pouvoir être raconté. Il suffit pour glorifier Dieu de savoir que la sainteté de Thérèse et nos jours de bonheur se sont élevés sur le roc du calvaire. Je repris ma vie de disciple auprès de cette chère petite sainte. Hélas, cette année devait être la dernière de notre union sur la terre. Elle l'employa à parachever son œuvre en me donnant toutes ses instructions concernant la voie d'enfance, la manière d'aller à Dieu et la pratique des vertus, spécialement l'humilité. Elle était heureuse de me voir lutter pied à pied avec des défauts qui me tenaient constamment dans l'humilité, car avec mon caractère spontané, impétueux, il m'arrivait souvent de petites sorties avec les sœurs. Sorties qui m'affligeaient beaucoup à cause de mon grand amour-propre. Je trouvais que mon extérieur était trompeur et que j'étais bien meilleur que je ne le paraissais, de là un certain dépit de ne pas être jugé à ma juste valeur. Paraître imparfaite aux yeux des créatures, me semblait une montagne à avaler. Alors ma petite sœur s'efforçait, par ses pénétrantes instructions, agrémentées d'histoires typiques et tout à fait de circonstances, de me faire aimer l'opprobre dans lequel j'étais. Elle me disait que s'il n'y avait pas d'imperfection à tomber, il faudrait le faire exprès afin de s'exercer à l'humilité. Elle me faisait trouver ma joie et me croire une toute petite âme que le bon Dieu est sans cesse obligé de soutenir parce qu'elle n'est que faiblesse et imperfection. Elle voulait, de plus, que j'arrive à désirer que les autres s'aperçoivent de mes défauts, afin qu'elle me méprise et me juge toujours une religieuse sans vertu. Cet héroïsme m'enflammait de désir et je croyais déjà l'avoir atteint par mon admiration, quand à l'occasion suivante je me retrouvais aussi faible et imparfaite. C'était alors le cas de le faire mien, mais une fois à ma portée, je ne lui trouvais plus tant de charme et le dépit succédait de nouveau à la triste satisfaction de contenter ma nature par une parole vive, mouvement qui, À mon grand regret m'échappait encore quelquefois. Seulement il y a cette différence, c'est que je ne m'en afflige plus, je demande pardon au bon Dieu, puis je me relève et je n'en cours que plus vite. Si les créatures sont mal édifiées, j'en suis bien fâché pour elles, je prie à leur intention, c'est toute l'attention que je leur accorde. Il y a environ un an, une sœur qui m'aime beaucoup avait particulièrement prié pour moi pendant ma grande retraite. Quant au sortir de ce traitement spirituel propre à raviver mes forces morales, je tombais dès le premier choc. Cette sœur qui m'avait vue, se mit à pleurer en disant, « Je vois bien qu'elle ne se corrigera jamais. » Quant à moi, au premier abord, j'eus du chagrin de me retrouver ainsi toujours la même. Cependant, au lieu de rester hypnotisé devant le fait, j'embrassai intérieurement mon Jésus. Puis je pris mes jambes à mon cou pour rattraper le temps perdu par cette chute. En réalité, je n'en avais point perdu beaucoup, seulement celui de tomber et de me relever. Quant à celles qui pleuraient sur mon malheureux sort, elles auraient bien mieux fait de courir avec moi que de gâcher un temps précieux à se lamenter devant la place vide que je m'étais empressé de quitter. Après tout, pourvu qu'on arrive, je me dis quelquefois, allons, pas de terreur. Tu seras toujours aussi bien décoré que ton Jésus. Vois-le donc entre les bras de Marie tout sanglant et défiguré. Est-ce que sa mère le rejetait avec horreur? Eh bien, elle ne te rejettera pas non plus, mais elle te pressera sur son cœur, te couvrira de baisers, nettoiera tes blessures en disant, que tu as souffert, ma pauvre petite. Puis, ma toilette une fois faite, elle me présentera au bon Dieu qui, trouvant en moi la ressemblance de son fils, mon époux bien-aimé, m'admettra sans retard au banquet des cieux. Notre mère nous raconta un jour en récréation qu'un malheur venait d'arriver sur le Rhône. 10 hommes rentraient chez eux assez tard dans une frêle embarcation qui menaçait de couler à fond. Le pilote, pour alléger la barque, se jeta à la nage, mais il prit mal son élan et la fit chavirer. Quelques minutes après, attirés par leurs cris, on venait à leur secours. Cet homme avait disparu, 3 seulement furent sauvés, on les trouva cramponnés à la barque. Le journal faisait remarquer que les 7 hommes perdus étaient de très forts nageurs, tandis que les 3 autres ne savaient pas nager. « Voilà bien ce qui nous arrivera, » me dis-je. Les âmes fortes font quelquefois fausse route, parce qu'elles comptent sur leur propre vigueur, tandis que les faibles et les imparfaites se cramponnent à ce qu'elles trouvent. Moi, c'est au bon Dieu que je m'attache, et comme je suis toute petite et très faible, je serai sauvée. Le prophète Ézéchiel nous a fermis dans cette pensée quand il dit, « Ce qui était perdu je le rechercherai, ce qui était égaré, je le ramènerai, ce qui était brisé je le lierai, ce qui était fort et gras. » Je le conserverai et ce qui était faible je le fortifierai. 34. Ainsi, pour celui qui est fort et gras le Seigneur se contente de le conserver, mais pour celui qui est faible, il le fortifie, il donne à celui qui n'a pas, et qui n'aimerait mieux recevoir de la main libérale du Tout-Puissant que du petit sac sordide de nos mesquines économies. Ô mon Jésus, non, je n'ai plus peur de mes misères, elles sont sur mon chemin, ces échelons qui m'aident à arriver jusqu'à vous, que Sainte Perpétue vit dans un songe à la veille de son martyre. Elle aperçut une échelle qui montait jusqu'aux cieux, échelle hérissée à droite et à gauche d'épées tranchantes. À sa base se tenait un dragon prêt à dévorer ceux qui seraient assez téméraires pour oser monter. Sainte Perpétue n'hésita pas un instant et mettant résolument le pied sur la tête du monstre l'obligea à lui servir de premier échelon. « Ô Jésus, moi j'ose dire que je fais la même chose, mes défauts voudraient pour ainsi dire me dévorer en paralysant mes forces par le découragement, mais je ne les crains pas. Ce sont eux qui me servent parce que ce sont eux qui me jettent dans un abîme d'abandon et d'humilité. » J'expérimente aujourd'hui la devise que me donna Thérèse, qui perd gagne oui, c'est en voulant bien tout perdre et en le perdant en réalité qu'on gagne tout. Ouvre la bouche, dit le Seigneur, et je la remplirai. Psaume 81, 11. Il n'y a que ceux qui n'ont rien, que les pauvres, qui éprouvent le besoin de demander leur pâture. Ô mon Dieu, essaie-moi ce pauvre dénué de tout secours, qui a passé sa vie à perdre, c'est moi qui ouvre ma bouche et mon cœur pour que vous les remplissiez de vos divines richesses. Ô heureuse indigence qui ne t'aimerait, toi la source de tous les biens. Oui, c'est l'amour seul qui compte et la plus noire pauvreté ne saurait être impropre aux opérations de l'amour. Dernièrement je fus attiré par un phénomène bien symbolique. Le soleil dardait ses rayons dans le jardin, quand au milieu d'une allée je vis briller comme un diamant aux mille feux. Je m'approche et quel ne fut pas mon étonnement de voir un vieux morceau de vaisselle cassé qui, empruntant avec avidité le rayon de lumière, devenait lui-même par cette communication un véritable soleil. Alors je m'écriai, « Mon Dieu, c'est moi ce morceau méprisable, au fait, moi la grâce de me tenir toujours ainsi dans votre beauté et bien que je sois la plus vile de toutes mes sœurs je n'en serai pas moins un soleil brillant qui vous fera rayonner dans les âmes ma mère. Si vous saviez ce que mes défauts m'ont été profitables, je les compare à une mine d'or. Soit que je les ai vaincus en pratiquant les vertus contraires dans les moments difficiles, soit que, vaincu moi-même, j'ai supporté humblement ma captivité et mes blessures, toujours ils m'ont enrichi. Je crois même qu'ils m'ont plus profité dans ce dernier cas, et jamais je n'ai fait de meilleures oraisons que les jours où je comptais des défaites. Avec quelle joie alors, passant en revue toutes mes sœurs, je faisais remarquer à Jésus leurs qualités, leur vertu, le louant en elle et le suppliant d'avoir pitié de moi à cause d'elle, de moi misérable pécheresse. Bien des fois dans ma pauvre vie j'ai désiré être une sainte, j'ai demandé au bon Dieu d'arriver là où son amour m'attend, je ne voudrais pas avoir passé ma vie éphémère sans en tirer tout le profit possible. Même j'ai désiré parfois faire des surprises à Jésus pour qu'il soit content et se dise tout étonné. Je n'attendais pas cela d'elle. Elle a fait cela, puis cela encore. Oh oui que j'aurais été heureuse de pousser mon habileté jusque-là. Et tout au contraire j'ai été en deçà de mes désirs de perfection. Cependant je ne désespère pas, ne pouvant lui offrir ses surprises par ma patience et ma douceur, je le lui ferai par mon humilité. L'humilité, je l'ai cultivée avec une jalousie avide et j'espère bien qu'elle me donnera un jour une petite fleur inattendue et toute nouvelle que j'offrirai à Jésus. Ainsi mon rêve sera réalisé. Ma mère, je ne savais pas que j'allais écrire toutes ces pages qui anticipent sur l'ordre des faits, car cet état de paix et d'abandon est mon état présent, mais non pas celui de l'époque dont j'entreprends tout à l'heure d'écrire l'histoire. Ces grâces de confiance ne m'ont été données qu'après la mort de ma Thérèse chérie. Elle aurait pu dire après Jésus, « Il vous est utile que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas le Consolateur, cet Esprit de vérité qui procède du Père ne viendra pas vous visiter, mais si je m'en vais, je supplierai le Père de vous l'envoyer. Alors il vous fera souvenir de tout ce que je vous aurai dit et vous en donnera l'intelligence. » Quelle est lumineuse la petite voix que Thérèse est venue découvrir aux âmes, et qu'elle est vraie et bien appropriée à nos besoins présents. Tout à l'heure les cieux du monde semblent s'affaisser sous le poids de l'orgueil, plaie de notre époque, de la haine, dégradation morale effrayante, le luxe, le bien-être, l'égoïsme rongeant la sève de notre dignité et bientôt si nous n'y prenons garde, au lieu de nous affranchir et de nous grandir, notre orgueil nous aura rendus semblables aux bêtes. Pour arrêter cet envahissement le bon Dieu, par un ressort admirable de sa providence, nous envoie une douce messagère. Il la prend pour type, il opère sur elle ce qu'il veut opérer sur les âmes, et la faisant parvenir à cette petitesse, à cette enfance qu'il nous a donnée pour modèle pendant sa vie mortelle. Il met sur ses lèvres des paroles inspirées afin de convier toutes les âmes à cet aimable état d'enfance qui les arrachera des bras de l'orgueil pour les jeter dans ceux de Dieu. Là est le salut, car voici la bénédiction promise au petit Benjamin, bien-aimé de Jéhovah, il habitera en sécurité auprès de lui, Jéhovah le protège continuellement, entre ses épaules il repose, Deutéronome 33, 12. Et que désirer encore, N'est-ce pas la réhabilitation du genre humain que cette petitesse à laquelle est attachée tant de privilèges, et pourquoi aller chercher ailleurs le relèvement de notre race? Est-ce une vaine promesse? Non, nous en avons la garantie sous nos yeux, ce qu'il a fait à Thérèse il nous le fera à nous si nous le voulons, il a entouré son petit Benjamin, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui excite sa couvée et voltige au-dessus de ses petits, Jéhovah a déployé ses ailes, il l'a pris, il l'a porté sur ses plumes, Jéhovah seul l'a conduit, Deutéronome 32, 10.11. En ce moment, notre France bien-aimée salue avec enthousiasme sa libératrice Jeanne d'Arc, elle la supplie de venir la sauver une seconde fois, elle espère dès le salut. Et ce n'est pas en vain qu'elle met toute son espérance en la vaillante pucelle. Mais, de même qu'autrefois Saint Michel la suscita de par Dieu pour sauver le royaume, pourquoi cette aimable libératrice ne se susciterait pas elle-même une sœur, digne émule de son zèle et de ses vertus qui, en arborant la bannière de l'amour, rallierait tous les chrétiens sous le drapeau de notre roi adoré, qu'on ne l'espère pas? Jeanne d'Arc ne reviendra point avec sa lance et son armure, ce n'est plus une puissance coalisée qu'il faut bouter hors du pays, il faut se convertir à Dieu. Pour opérer cette transformation qui paraît impossible, à cause du flot toujours grossissant des iniquités de la terre, il faut un moyen. Ce moyen, quel sera-t-il? Un miracle pourra nous sauver momentanément mais non nous guérir. C'est le cœur de chacun de nous qu'il faut changer si nous voulons que le relèvement demeure. Ce moyen ne semble-t-il pas indiqué par la petite voix d'humilité et d'abandon à Dieu, la petite voix toute d'amour et de sacrifice que Thérèse est venue nous enseigner, page presque entièrement biffée. Mais me voilà encore perdu dans un dédale de réflexion. Aussi, en attendant que d'autres que moi trouvent des significations à tout ceci, je reprends mon sujet à l'endroit où je l'ai laissé. J'étais donc sous la direction de ma Thérèse chérie écoutant ses avis sans pouvoir les pratiquer et je ne lui donnais guère de consolation, nos âmes étaient cependant toujours serrées, plusieurs fois on m'en fit la remarque, ce qui me causait un extrême plaisir. Ce fut en particulier le révérend père Godefroy qui, étant venu prêcher un tridôme et une retraite, nous demandait nos noms au confessionnal afin de nous reconnaître. « Vous avez la même voix toutes les deux, » me disait-il, « la même manière de vous exprimer, c'est incroyable comme il existe de ressemblances morales entre vous. Toutes les quatre vous avez des âmes chantantes, mais entre vous deux il y a quelque chose de plus vous dire, ma mère, ce que j'étais fier en entendant cela. Aussi je ne l'ai jamais oublié. Décidément j'ai toujours eu des ressemblances très avantageuses. Dans la cité les sœurs me disaient quelquefois que je leur représentais Sainte Thérèse, sans doute à cause de mes allures et de mon caractère franc. J'étais très honoré aussi de cette comparaison. Sainte Thérèse sans doute ne la désapprouvera point puisqu'elle voulut me prendre sous sa particulière protection en faisant que les deux sœurs portent son nom. J'aurais dû raconter cette particularité avant de parler de ma prise d'habit, car ce fut quelques semaines seulement avant cette fête que, sur l'avis du supérieur, on ajouta à mon nom de Marie de la Sainte Face, que j'avais porté jusque-là et que Thérèse m'avait elle-même choisi, celui de Geneviève de Sainte-Thérèse. Cette substitution, quoique seulement apparente, me fut un sacrifice bien sensible et à Thérèse aussi. Je me souviens qu'à cette occasion je lui dis, « Eh bien, c'est vous, ma petite Thérèse qui serait ma Sainte Thérèse, je vous prends pour ma patronne et c'est moi qui la première porte votre nom en votre honneur. » N'étais-je pas en effet, sa première conquête, la première branche qui jaillissait du tronc dont les rameaux devaient plus tard se multiplier à l'infini? Je lui devais tout, et ma préservation dans le monde, et ma vocation au Carmel, comme je devais, aux souffrances qu'elle endura pour moi sur son lit de mort, et la Sainte Face et la destruction des pièges que me tendit l'enfer. Le sacrifice me fut donc un peu adouci à cause de cette raison intime et parce que je gardais mes premiers titres que je fais figurer toujours en première ligne dans la formule de mes vœux. Néanmoins, aux yeux des créatures je n'étais plus Marie de la Sainte Face mais Geneviève de Sainte Thérèse. On me donnait cette appellation en souvenir de la sainte fondatrice de notre monastère, la RDE, Mère Geneviève. Elle ne pouvait rien me léguer de mieux que son nom, sans doute elle pensait que je ne le déshonorerais pas. La veille de ce jour, afin de me prouver que c'était bien sa volonté, le bon Dieu permit que, sans rien savoir de ce qui se passerait le lendemain, on me donna la boucle de ceinture, la croix et la médaille du chapelet de ceinture de Mère Geneviève. Depuis, je pris la médaille où figure notre petite sainte, celle de souvenir fut rendue avec les reliques de Mère Geneviève. Je n'en revenais pas de voir qu'on tirait ces reliques du coffre à trois clés pour les mettre à mon usage. Intérieurement je priais la Sainte Mère de me protéger et je la regardais déjà comme ma patronne quand le jour suivant on me donna son nom. Malgré cette volonté manifeste de la divine providence sur moi, je regrettais longtemps mon cher nom et je fus obligé pour me consoler de penser qu'au ciel je recevrais un nom nouveau que Jésus me choisirait lui, même et que personne ne pourrait m'enlever. Ainsi, le bon Dieu me dépouillait intérieurement et extérieurement de tout ce à quoi je tenais, et il allait bientôt m'enlever mon plus cher trésor, ma petite Thérèse. Mais comme il est père avant d'être le souverain maître de toutes choses, il me donna la consolation de soigner moi-même ma sœur chérie, et afin que personne ne me disputât les droits qu'il m'octroyait lui. Même il permit que ma compagne de noviciat qui partageait avec moi l'office d'aide à l'infirmerie, fut retirée de cet emploi juste au début de sa maladie. Restée seule, la première ne fit point difficulté de me céder une partie de ses droits auprès de ma Thérèse, elle me força même à l'accepter. Marc M. Dan d'après, Archive Carmel Lisieux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial.